L'actualité à Nancy et ailleurs. L'association Culture et Communication nous propose de célébrer le 10e anniversaire de l'œuvre et moi. Ce sera le vendredi 14 juin à la MJC Lillebonne. Patricia Aromatario, bonjour. Bonjour et merci de me recevoir. Vous êtes présidente de l'association Culture et Communication. Oui. On a déjà eu l'occasion de vous accueillir pour parler de ces différents rendez-vous. Et là, oui. Eh bien, c'est un anniversaire. Alors, c'est le 10e anniversaire d'une manifestation qui a été créée en 2014 par Nicole Granger. Ça s'intitule « L'œuvre et moi ». C'est toute une soirée pour une passion. L'idée, c'est qu'une personne ou un petit groupe de personnes est chargé d'organiser une soirée sur une passion qui l'anime et ensuite de faire partager cette passion au public. Nous avons fait partager donc 27 passions. Celle-ci sera la 28e puisque nous organisons 3 soirées par an. Mmh. Alors ça peut être des passions pour une forme artistique, pour la littérature, la musique, le théâtre, le cinéma. Mais ça peut être aussi une passion concernant peut-être aussi des aspects scientifiques. Nous avons fait une passion sur la forêt, une autre sur la géologie, et puis des choses qui concernent peut-être plus l'ethnologie ou la vie de chacun. Par exemple, une passion pour le pain, une passion pour la bière. Vous voyez, les thèmes sont très variés et c'est ce qui fait tout l'intérêt de cette manifestation parce qu'il y a un public de fidèles qui vient, mais selon le thème abordé, nous pouvons aussi accueillir de nouvelles personnes qui s'intéressent à un sujet plus précis. Et puis, ce qui est spécifique à cette soirée, c'est que nous proposons au public une collation en relation avec le thème qui est abordé. Par exemple, nous avons eu dernièrement une soirée sur un écrivain ancien qui s'appelle Primo Basso. C'était quelqu'un qui était d'origine italienne, qui venait du Frioul. Et à l'occasion de cette soirée, nous avons réalisé enfin une polenta, qui est une spécialité du Frioul, par exemple. Et cette collation, c'est vraiment un moment d'échange, c'est très convivial. Ça permet aux intervenants de rencontrer les spectateurs, aux spectateurs de se rencontrer. Donc, c'est très précieux pour nous, à chaque fois, à chaque manifestation, de proposer ce moment. Ce 10e anniversaire va se célébrer le vendredi 14 juin, donc toujours à la MJC Lillebonne. Qu'est-ce que vous avez prévu pour ce 10e anniversaire ? Pour ce 10e anniversaire, nous avons prévu un parcours de lecture et de musique. Oui. Et pour terminer, nous avons invité la fanfaronne. Vous la connaissez, c'est une fanfare d'ailleurs qui a aussi son siège à Lillebonne. Nous avons invité des comédiens de Nancy, comme par exemple Emmanuel Tonnerieux qui a créé la compagnie Tiramisu. Nous avons invité aussi Jacques Rimbert qui est un metteur en scène et qui propose des ateliers théâtre et qui est lui-même comédien. Et puis des comédiens qui viennent d'ailleurs, comme Christian Rist qui est installé en Allemagne, pas loin de Strasbourg et qui viendra pour l'occasion, ainsi que Damien Trident qui viendra de Bordeaux. Et puis une chanteuse, Tania Pividori, qui est à Paris et qui chante des polyphonies italiennes, qui est aussi comédienne et compositrice. Et nous avons invité 2 musiciens, Jérôme Bourdelon, qui fait partie de notre équipe, et Pierre Zimmer, qui est un accordéoniste. On espère que ça soit une soirée festive. Il ne faut pas avoir déjà assisté à une œuvre et moi pour venir. C'est ouvert à tous et nous espérons accueillir des personnes qui ne sont même encore jamais venues. Est-il nécessaire quand même de prévenir qu'on vient, de réserver? Oui, c'est mieux de réserver pour qu'on prévoie une collation suffisante. Voilà, donc on retrouve bien sûr les coordonnées sur le site de l'association. Mais il y a une adresse mail qu'on peut donner? Oui, cultureux. Et comme 54@gmail.com. Si on n'avait jamais encore assisté à une œuvre et moi, ben c'est l'occasion, c'est le deuxième anniversaire. Un beau moment festif, ça commence à 18h le vendredi 14 juin. Peut-être après pour vivre d'autres œuvres et moi à la rentrée de septembre. Septembre, c'est toujours un peu tôt parce qu'il y a beaucoup de choses à Lillebonne, mais on a généralement un feu croisé qui aura lieu en novembre, probablement sur le thème du roman policier. Et puis, 3 œuvres et moi, plutôt en 2025. Eh bien, bon anniversaire à l'œuvre et moi, et rendez-vous Merci. Le 14 juin alors. Merci beaucoup.